Le Conseil sud-coréen de mesures pour le problème des volontaires a tenu le premier courant à Séoul, le 1272e meeting de mercredi, revendiquant l'annulation de l'accord sur le problème de l'esclavage sexuel au service de l'ancienne armée japonaise et la solution fondamentale du problème, d'après Yonhap News sud-coréen. Les orateurs ont déploré que Bakune est d'accord avec le Japon qui demande la suppression de la statue de fillette esclave sexuelle tout en cherchant à rendre nul le problème en question. D'autre part, toujours d'après la même source, l'action civile de Busan pour défendre la statue de fillette a organisé le 28 février une conférence de presse devant le consulat général japonais à Busan pour demander la démission du ministre des Affaires étrangères qui impose le démantèlement de la statue de fillette esclave sexuelle.